elle, j'avais même pas de CDI. Elle kiffe quand je suis dégaine, quand je fais cracher le GTI. Je me prenais pour Montana, je voulais LV quand j'étais petit. J'ai les mêmes faits pour leur toujours faire changer les sceptiques. Je vais au charbon pour le petit, tout dans leur halal, changer d'optique. Ici y'a trop de trafic, je me verrai bien sous les tropiques. Ça m'a fait gamberger, écris pas devant le petit. Toujours faut pas changer dans le meilleur et le pire. Avant on était ça, avant on était si. Je vais pas t'inventer ça, faut regarder les signes. Y'en a qu'une, c'est Tokyo, Tokyo. Dans ma tête c'est Tokyo, Tokyo. C'est une vaillante Tokyo, Tokyo. De vie, on se réveillait dans le même lit. C'est mon bébé, mon ami, je fais les boutiques en Italie. Elle me dit que la maman, qu'elle veut fonder une famille. Et que ça me va bien quand je porte le camis. C'est le cœur qui parle, j'aime pas te voir en larmes. Les trucs qui font des manières, ne regarde pas en arrière. Ça m'a fait gamberger, écris pas devant le petit. Toujours faut pas changer dans le meilleur et le pire. Avant on était ça, avant on était.